l'atelier Debout Éducation Populaire. Donc on est là tous les dimanches. Le thème de cet atelier, enfin plutôt le but de cet atelier depuis presque un an maintenant, c'est ça a été en deux étapes. La première étape, c'était de définir dans quelle société on veut vivre, d'où le nom de l'atelier, quelle société veut-on. Donc maintenant qu'on a passé cette première étape, on a récolté plusieurs propositions. Et à partir de celle-ci, voilà, c'est mieux comme ça, on va définir comment faire pour y arriver. Donc la semaine d'EM, les enfants et l'éducation. Donc je vais commencer par vous lire le compte-rendu de la semaine dernière et poursuivre ensuite sur des propositions et réfléchir à comment les mettre en place. Donc nous avions parlé de fermer les écoles classiques, liberté pour l'âge, donc notamment au niveau des artisans et de la culture, apprendre pour le plaisir, après quoi ils seront prêts. Donc prendre en compte la différence de chaque enfant, sa liberté de penser et donc retirer les étiquettes, notamment culturelles, graphiques, etc. Penser que un bâtiment scolaire comme un lieu de réunion, de rencontre et d'échange ouvert à tous. Alors on s'est posé la question de fermer les écoles, ne pas fermer les écoles. Parce que certains disaient il faut fermer les écoles. Donc on se disait comment on ferme. Donc du coup on a proposé de prendre les écoles dans les bois aussi par exemple. C'est-à-dire sous un format déscolarisé. On s'était dit aussi qu'on pouvait poser la question aux parents par référendum, à condition que ce soit soutenu avec des arguments pour expliquer le but. Proposition aussi d'une année de transition, justement, où il y aurait un enseignement un peu plus classique le matin et l'après-midi une participation de tous. Et c'est ce qui se fait déjà à certaines écoles. Au niveau de l'autonomie, donc ce qu'on proposait, c'était que les parents donc décident de l'éducation de leur enfant, ça c'est encore le cas, sauf que ça pose le problème de l'accès à chacun déjà et aussi du temps qu'ont les parents. Du coup, le collectif et ceux qui peuvent former des groupes de citoyens pourraient... Oui, enfin ce serait sous forme d'éducation populaire. Aussi demander aux enfants ce qu'ils veulent et non pas affirmer ce qui est bon pour eux. Avec une première année libre qui permettrait justement de découvrir un petit peu les différentes choses qu'il y a dans le monde. La problématique des parents, c'est que l'on doit faire avec eux. Voilà. Donc il faut d'abord commencer parce que finalement les enfants s'adapteront très bien. On a parlé aussi de libérer les profs d'un programme préétabli, d'une façon de faire les cours et de l'aliénation au virtuel. En sachant que c'est transmettisme. Donc, inclure dans les parents un agenda de temps collectif, temps privé, qui serait justement un temps d'éducation pour eux et pour la société. Responsabiliser les parents, notamment avec un enseignement théorique et politique. Une contre-culture. Dans l'éducation, on a signalé qu'il y avait trop d'experts et pas souvent de rapports de confiance. Donc concernant l'accès gratuit à l'éducation, on a pensé une certaine forme d'autonomie des établissements, justement sur le plan donc matériel, alimentaire. Ah oui, on a eu un débat sur faut-il fermer les écoles privées, c'est-à-dire faut-il qu'il n'y ait que des écoles publiques. Le problème qu'on a signalé, c'est les différences que ça pose en fonction des moyens de chacun. Et là aussi, la garantie d'un certain savoir. Donc, d'un autre côté, ce serait aussi rentrer dans le mode de l'interdiction. Et c'est pas forcément... Enfin, voilà, il y a eu pas mal de critiques autour de ça. Il y a aussi été posé la question de la mixité sociale que tendait à promouvoir le public-privé. D'échanges comme les enfants qui écrivent leur propre histoire, où chacun a une façon de s'exprimer et peut l'exposer aux autres. Pour que les enfants apprennent aussi à réfléchir par eux-mêmes et à utiliser leur imaginaire, enfin plutôt à ne pas à que leur imaginaire ne soit pas limité par les autres. Alors, par rapport à ce qui est enseigné, on avait noté l'importance de relier tous les enseignements, qu'ils soient mathématiques, littéraires ou autres, à quel cadre ces enseignements ont été mis en place, quels enjeux politiques. Et donc quelqu'un nous a parlé de regarder comment les peuples premiers enseignent, ou plutôt accompagnent leurs enfants. C'est pas sous un modèle éducatif, mais plutôt sur du désir de l'enfant, sur ce qu'il veut être, faire, devenir, et sur ce qu'il expérimente. On a proposé aussi, justement, dans les transitions possibles, d'utiliser l'art, notamment le street art, pour éduquer et échanger, sans compétition, mais en coopération, et favoriser entre les cultures. Et donc, on a précisé que le privé était fait pour une élite et pas pour tous les autres. Donc là, du coup, on va poursuivre. Donc, je vous rappelle que le but de cet atelier, c'est qu'on va vous lire les propositions qui nous restent à traiter. Merci. Et à partir de celle-ci, on va se poser la question, comment on fait à partir de la société d'aujourd'hui pour y arriver? Donc, il nous restait, donc dans le thème éducation, il nous restait 5 points. Le premier, c'est la formation des adultes. Place une sécurité sociale professionnelle pour se former tout au long de la vie, en dehors de l'aspect uniquement employable, c'est-à-dire enrichissement personnel et curiosité. Donc là, voilà, on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut aboutir à ça à partir de la société actuelle? Deuxième proposition, que l'école soit aussi formation, donner des infos réelles sur ce qui se passe, environnement, guerre, lutte sociale, enjeux politiques, critique de la science, en lien avec les enseignements, donc en lien aussi avec les mathématiques, l'histoire, la géographie. Ce qu'on n'a pas traité encore, c'est le logiciel libre dans la... Apprendre le fonctionnement du virtuel et du numérique, ses risques et la critique des informations disponibles, comme pour les journaux ou les médias. Quatrième point à développer, sur lequel il va falloir trouver les pistes pour y arriver. Utiliser des jeux et expérimenter leurs limites par rapport au monde réel. Et le dernier point qui n'est pas mince, c'est donc le rapport au vrai et au faux dans l'éducation. Ne pas limiter l'imagination des enfants avec des règles qui n'ont pas de sens, sur des sentiers battus, formatage énorme. Prendre en compte, justement, dans le vrai et faux, donc qui pose la question de la légitimité de la parole, prendre en compte les sensations qui permettent de se construire son environnement autant que les faits objectivés. Chaque enfant recrée le monde en y venant, diversité de perceptions, individuelles et culturelles, et apprendre à le partager avec l'autre plutôt que d'imposer un tous pareil soumis à l'autorité sans échange. Donc on va réfléchir aujourd'hui sur comment parvenir justement concrètement à ces propositions, et donc je passe la parole au modérateur. Ouais. Donc, je vous rappelle, on est dans l'atelier éducation populaire sur le thème des enfants. Donc, on vous invite à pour qu'on puisse avoir un débat avec vous et un débat, voilà. Donc, qui veut commencer à parler sur ce thème-là? Les enfants. Ouais, donc là, on peut déjà travailler dessus, c'est donc formation des adultes, donc sécurité sociale professionnelle pour se former tout au long de la vie, en dehors de l'aspect professionnel, enrichissement personnel et curiosité. Donc là-dessus, est-ce que quelqu'un a un point de vue? Viens devant, mon coco. Alors peut-être voir pour curiosité, ne serait-ce que des adultes. Eh bien, il est vrai que quand on termine son travail, très souvent peut-être que les musées sont fermés, tout ça, dans peut-être une ouverture plus large des musées, enfin de tout ce qui peut être en rapport avec le musée, mais il y a peut-être d'autres choses, voilà. Et puis donc ouverture avec le côté également gratuité, parce que je pense que pour les adultes, c'est payant, et puis je ne sais pas quels sont les tarifs, mais peut-être que pour certains, c'est un peu trop cher. Gratuité des ouvertures, des amplitudes d'ouverture plus larges, eh bien, tant mieux. Et puis également, que ceux qui sont, comment on appelle ça, là, ceux qui créent des petits groupes, là, et puis qui déroulent, là, comment on les appelle, là. Non, tu sais, on l'a déjà fait, là. Voilà, les visites historiques, les trucs comme ça, là. Que ces personnes soient là aussi et puis qu'elles puissent faire gratuitement. Et puis surtout, avoir peut-être une approche très simple, mais compliquée. Voilà. D'accord. Qui veut continuer à prendre la parole? Non. Bon, vas-y. C'est aussi au rôle des médias dans la culture et dans le fait que ce soit accessible à chacun aussi. Parce que très souvent, voilà, ce qui est relayé, c'est quoi ? Plus l'aspect de la société de consommation, donc la publicité, etc. Et on pourrait imaginer, justement, par exemple, soit ces formes-là qui soient exposées, et bien que ce soit toutes les choses culturelles qui viennent de sortir, les expositions, pour que déjà il y ait un premier accès, parce que le premier accès avant le coup, etc., c'est juste de savoir que ça existe. Et donc ça pourrait être un rôle de la théâtre, des journaux, de dire à chaque fois, à la place, même je dirais à la place des pages de publicité, tout ce qui existe, tout ce qui... les expositions pardon, qu'il peut y avoir. Il y a aussi les films au cinéma, la musique, enfin voilà, que ça fasse vraiment partie de... Et pas seulement voilà, que l'information ce soit pas les ce qui se passe dans le monde, mais aussi les faits divers ou quelques ragots dont tout le monde se fiche pas mal. Mais là, du coup, ce serait considéré déjà, donc il y a déjà une dimension, même une volonté politique là-dedans qui serait une volonté populaire, j'ai envie de dire comme ça. C'est-à-dire considérer non pas que... Parce qu'en fait, les gens prennent aussi ce qu'on leur donne. Donc si on leur donne autre chose à penser, ils vont penser autre chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une volonté politique. Je veux dire, quand on voit que certaines émissions, il n'y a pas que la question de ça marche, si ça marche, c'est parce qu'on leur propose que ça aussi. Donc il y a tout un... Je pense qu'une des étapes par lesquelles ça peut passer, justement, l'éducation, la formation des adultes, c'est par cette volonté politique qui serait un relais médiatique et puis de façon générale aussi sur dans les métros, etc. Merci à toi. Non mais j'ai levé la main mais je me souviens plus pourquoi. Ce que je pense c'est que pour la connaissance officielle n'est pas la totalité de la connaissance, c'est-à-dire l'éducation donne à éduquer dans un des secteurs de la connaissance. Et pas toute la connaissance. Et donc ça, pour moi, c'est dramatique. Et il se trouve que Nuit Debout est un lieu où on peut dégager des masques à la totalité de la connaissance. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est que la connaissance officielle est cloisonnée. Un littéraire aujourd'hui ignore la mathématique. Le littéraire et c'est encore plus vrai pour l'artistique, c'est-à-dire que plus c'est cloisonné et plus on peut manipuler l'opinion. Voilà, c'était ce que je voulais dire pour l'instant. Merci à toi. Donc en fait je rappelle, là, vous êtes sur l'atelier éducation populaire, quelle société veut-on, où on est en train de en fait, parler du thème des enfants, où on réfléchit à comment on peut amener les propositions et créer les problèmes. Donc je vous rappelle, on est là actuellement sur la formation des adultes, donc sécurité sociale professionnelle, pour se former tout au long de la vie en dehors de l'aspect professionnel, enrichissement personnel et curiosité. Je voulais revenir sur l'accès, ce qui a été dit avant, ça me fait venir... à l'idée, n'est-ce pas, que c'est pas forcément bien que tout soit accessible, parce que, enfin, surtout si on parle des enfants, dans les sociétés, disons, primitives comme la nôtre, hein, la culture, c'est un, comment dire, c'est une croissante personnalité de l'intelligence. De la manière de structurer la pensée, etc., avec des étapes que dans le temps on appelait l'initiation, qui était d'ailleurs très différente pour les filles et pour les garçons, et qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, à part le diplôme, par exemple, qui à mon avis qui est très important, mais pas pour le savoir. Parce que ça veut dire qu'on a passé une... On est un peu plus adulte qu'avant. Enfin, en théorie. Et c'est pareil pour le permis de conduire. C'est une initiation à l'adulterie. Ou en général, la première expérience sexuelle qui devient pratiquement... Parce que une introduction, disons, dans la société, dans le monde humain, social. Et je crois que c'est très dommage que ça manque beaucoup aujourd'hui, justement, où ce passage entre l'enfance, où on peut essayer plein de choses, on peut faire des erreurs, on peut faire des conneries, tant que ça fait de mal à personne d'autre qu'à soi-même, c'est pardonné. Il y a les adultes qui sont là pour corriger, pour aider, qu'ils soient enseignants ou parents, ça devrait être n'importe qui. Mais après, il y a un certain moment qui devrait être marqué par quelque chose, quelque part, par un événement qu'on appelle l'initiation, où après, il n'y a plus droit à l'erreur. Après, on est adulte, on est dans une société stable, et on ne peut plus faire ce qu'on veut. Et on ne peut plus faire n'importe quoi. Et à partir de là, il faut penser aux conséquences de ce qu'on fait. Et c'était une chose qui existait, enfin ça c'est moi qui le dis, hein, dans le théâtre, par exemple, où il y avait une... moi je ne suis pas un expert, hein, je ne suis pas un artiste, enfin pas trop. Ce qu'on appelait la catharsis, on dit comme ça, non? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes psychologiques ou autres, en assistant à des spectacles, il y a des émotions qui sortent, il y a des choses qui s'échangent, il y a des mouvements intérieurs d'énergie qui se passent, et on peut arriver justement à ce genre de problèmes de croissance qui sont tout à fait normaux, c'est-à-dire pas comme dans le monde d'aujourd'hui où il y a l'école, si un enfant a des problèmes, bon, le pauvre, il lui faut une éducation spéciale, il faut un médecin, parce qu'il a des problèmes. Alors que c'est pas, on parle plus ça des problèmes, mais c'est tout à fait normal. Et c'est ce problème-là, c'est le signe de la nécessité d'un passage d'un vécu à un autre vécu. Et aussi de l'abandon de l'enfance, de l'abandon de choses du passé, de certaines situations, certaines manières de vivre, l'affectivité, etc. Et c'est un truc que je vois, disons, beaucoup d'adultes qui sont encore pas adultes, je parle pas de moi là, mais et ce que j'entends par contre, c'est beaucoup de femmes qui se plaignent que leur homme n'est pas adulte, hein. C'est toujours un enfant, un bébé. Et moi je pense que c'est justement, il manque cette initiation qui fait qu'à un certain moment, on ne peut plus faire ce qu'on veut et on doit réfléchir, et même réfléchir ensemble dans le cas d'un couple, hein, aux conséquences de ce que ça a, le fait de vivre ensemble, socialement, culturellement, affectivement, sexuellement, etc. Voilà. Bon, déjà, pour la catharsis, c'était pas seulement pour ceux qui avaient des problèmes, c'est qu'une thérapie de société. C'est-à-dire, voilà, expérimenter par le théâtre ou par d'autres fictions des sentiments pour éviter que ces sentiments-là agissent dans la société et la détruisent. Et en même temps, ça permettait aussi de créer une sorte de cohésion à ce moment-là dans ce qui était partagé entre les plus complexes que ça. Non, par contre, ce que tu dis par rapport à marquer des passages pour la responsabilité, alors il me semble, mais bon tu diras si t'es d'accord avec moi, il me semble que tu penses ça parce que tu fonctionnes à partir en effet de comment ça se passe maintenant, de responsabilité. Mais ce problème de responsabilité, c'est pas un passage marqué qui va le faire changer, c'est si il est pris en compte déjà dès chez l'enfant. C'est-à-dire, tout simplement, on en parlait en plus la semaine dernière, un enfant qui a, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans, va devoir faire référence à une autorité pour déterminer si ce qu'il pense, ce qu'il fait ou autre est juste ou n'est pas juste. Quand est-ce que, même s'il y a un moment où on lui dit « voilà, c'est toi l'autre qui décide », qu'est-ce qu'il va faire de cette responsabilité? Ça va être très dur à gérer. Par contre, si cet enfant-là, à chaque fois, par exemple, je vais dire un exemple assez dur, feu ça brûle, bah oui, bah il va mettre une fois sa main dans le feu, il va se brûler, plutôt que ce soit l'autre qui lui dise. C'est des exemples, hein. Après, il y a des limites à ça aussi, on peut aussi prévenir une fois, mais à partir du moment voilà, où il y a l'interdiction parce que c'est mieux pour toi, c'est là où il y a la question de la responsabilité aussi. Et je suis, si tu pars de principe avec des étapes un peu symboliques comme ça marquées, pour moi ça va aussi dans une forme de normalisation, où il y aurait, c'est un fonctionnement de société, hein. Je dis pas l'inverse. Mais est-ce que c'est nécessaire à partir du moment où gestation, alors je veux dire, il n'y a pas cette relation d'autorité qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation de savoir transmis. Je pense que la transmission et l'autorité, c'est des choses très différentes. Et il y a un moment, en fait, c'est peut-être plutôt cette limite-là à travailler entre ce qu'on peut transmettre et les limites de ce qu'on transmet aussi. C'est-à-dire ce qui doit être expérimenté directement par l'enfant. Et à mon avis, la responsabilité se situe exactement là. Dans la responsabilité de transmettre certaines choses, certaines expériences et une réflexion, et aussi dans la liberté laissée à l'autre. Donc du coup, laisser la responsabilité de l'autre se développer à ce moment-là. Enfin, voilà, je ne sais pas si ces points symboliques sont nécessaires, peut-être que ça peut aider, mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que du coup, comme d'habitude dans les systèmes évaluatifs, c'est pas un système évaluatif, mais ça pourrait tourner comme dans les systèmes évaluatifs. À partir du moment où il y a le passage symbolique, en fait, on ne s'occupe pas du reste. Vu qu'il y a ce passage-là doit marquer la chose, et en fait, tout autour, il ne se passe rien. Et le problème des passages comme ça et des choses marquées, c'est que déjà, ça peut être un peu traumatisant comme truc, et surtout, ça veut dire que tout le travail à faire à long terme, etc., peut être pour se centrer sur ce passage-là. Ok, je vous invite à vous rapprocher si vous voulez pour discuter avec nous sur le thème des enfants. Oui, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était le passage de la responsabilité individuelle de l'enfant à une responsabilité collective. C'est ça l'initiation qui demande une certaine maturité. Mais aussi, le terme maturité, aujourd'hui, ça ne veut pratiquement plus rien dire. Chacun, il est comme il veut, il fait ce qu'il veut. Et s'il fait du mal à quelqu'un, il dit oh, « ben, c'est pas mon problème, il n'a qu'à aller voir un psy, etc. » Moi, je crois que c'est les problèmes de chacun, c'est les problèmes de tout le monde, mais à partir d'un certain âge. Parce que quand tu es enfant, tu peux pas savoir que ton action qui te paraît va faire du... Enfin, va avoir des conséquences... comment on dit, négative, mais en par ricochet, quoi. Des réactions en chaîne, comme on dit. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Il faut bien apprendre, mais pour apprendre ça, il faut déjà justement avoir la maturité pour le faire. Et disons, dans le passé, c'était l'initiation, c'était collectif, c'est-à-dire une certaine classe d'âge d'enfants qui faisaient tous ensemble. Par exemple, qui étaient des enfants qui étaient emmenés dans, enfin c'est en Afrique, c'est surtout que j'ai lu des trucs là-dessus, mais c'était partout, qui étaient emmenés dans la forêt et qui étaient le groupe était laissé à lui-même. Alors les adultes s'arrangeaient pour que le groupe d'enfants ait affaire à des animaux sauvages, ils se déguisaient pour apparaître en monstres apparemment sanguinaires ou des choses comme ça. Et le groupe des enfants, faire à peu près n'importe quoi individuellement, là, se rendre compte que s'ils restent pas ensemble, s'ils ne développent pas une certaine communauté, ils n'arriveront pas à survivre. Il n'y a que collectivement qui puissent survivre, tout simplement. Bon, maintenant on n'en est plus là. Mais quand même, c'est important ce côté social, mais même dans tout ce qu'on a dit, on n'a pas parlé de règles. Et une société ne peut pas vivre sans règles, hein, enfin à mon avis. Seulement que le problème, c'est que si les adultes, une génération d'adultes établit certaines règles, c'est pas dit qu'elles soient valables pour la génération suivante. Hein. Mais ça ne veut pas dire non plus que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Alors chaque génération a ses propres règles, mais il faut qu'il soit sensibilisé à ça. Il faut qu'il n'y a pas que le côté normatif dans la règle. Il y a le côté justement de maturité, de sens de responsabilité, d'attention aux autres, de perception des autres, de savoir dire oui, de savoir dire non. Enfin, il y a énormément de choses derrière le terme maturité, mais qui n'existe plus trop aujourd'hui. Et moi, je mettrais ça sous le terme de règles, parce que bien qu'il y ait des règles complètement des tas de systèmes de règles, mais comme on voit l'individualisme qui se développe de plus en plus aujourd'hui, où à mon avis c'est n'importe quoi, justement parce qu'il n'y a pas de règles, où chacun il se fait ses propres règles. Mais alors la société, et ce qu'on voit justement, n'importe quel gouvernement avec la com, il peut en profiter pour séduire. très facilement des gens qui ne sont pas mûrs, et pour manipuler, etc. Et ça devient une société inhumaine. Voilà, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est ce système, ce principe d'initiation, de croissance, de maturité, d'étape à franchir, qui fait qu'on devient. Parce que le bébé à la naissance, il n'est pas humain. Et s'il n'est pas éduqué comme un être humain, il ne le deviendra jamais. Et ça, c'est fondamental pour moi. Voilà. Donc, je rappelle aux gens l'éducation populaire, à quelle société veut-on à l'atelier. Et notre thème aujourd'hui, ça s'appelle des enfants. Maintenant, on va peut-être passer à l'autre proposition, qui est que l'école soit aussi un lieu des informations, donner des infos réelles sur ce qui se passe, environnement, guerre, lutte sociale, enjeux politiques, critique de la science, en lien avec les enseignements. En fait, je voulais revenir sur le point d'avant. Je sais plus, c'est un truc qu'on avait discuté mais il y a longtemps déjà. C'était donc il y a la pensée complexe, certes, mais c'était la pensée circulaire. Ça rappellera quelque chose à Pierre. Et c'était justement ce truc-là. C'est exactement c'est-à-dire, voilà, l'enfant, il y a d'abord déjà son propre corps, ensuite son propre corps, le corps familial, ensuite le corps familial plus le chat plus le chien. Enfin, bon, c'est un peu schématique, excusez-moi. Ensuite, voilà, et ça s'étend et ça s'étend. Et en fait. C'est ce système, cette pensée circulaire, il y a toujours les différents cercles, et c'est en extension. En sachant que c'est possiblement en extension qu'à partir du moment où le premier cercle est suffisamment sécurisé, j'ai envie de dire. Et là, du coup, dans ce que tu dis, ce que j'ai compris dedans, c'est... alors pour moi, ça peut se développer sans qu'il y ait forcément d'étapes symboliques, etc. Par contre, le rôle de ces étapes, ce serait plutôt en rapport avec la justice, en fait. C'est-à-dire en rapport avec le moment où, quand quelqu'un enfreint la responsabilité justement collective, ou qu'il n'y participe pas, ou qu'il, eh bien là, il y a un âge à partir duquel on pose, ce n'est plus possible. Et donc, du coup, je me dis, bon, peut-être dans ces cas-là, oui, il faut qu'il y ait un âge à partir duquel, c'est ce que tu disais au début, un âge à partir duquel on peut toujours faire des erreurs, mais là, il y a un impact réel. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit progressif? Est-ce qu'il faut pas? Est-ce qu'à chaque fois, justement, ça peut se faire en lien avec la société, au risque que ça devienne peut-être un peu totalitaire aussi, hein. Il y a un peu le risque de totalitarisme là-dedans. Donc, il pose encore des questions. Mais comme on est dans la deuxième étape de l'atelier, et que là, on est en train de partir... En général, c'est en fin d'atelier qu'on part sur des envolées théoriques. Hein. Non, juste, c'est... Du coup, comment est-ce qu'on ferait pour, là, dans l'éducation auprès des enfants, arriver à cette pensée circulaire, soit ces étapes symboliques, parce que c'est pas du tout le fonctionnement de l'école actuellement, donc par quelles étapes on pourrait passer petit à petit. Donc je pense déjà, comme on l'avait dit la dernière fois, par un argumentaire théorique, voilà, pour expliquer l'importance de ça et le fait que ce soit réel. Enfin, je pense que voilà, de la façon dont on l'exprime, ça peut parler un peu à chacun, ou pas. Peut-être pas, en fait. Qui nous suit? Ok, peut-être pas. Et du coup, là, voilà, quelles étapes prêteraient d'arriver à ce système d'évolution de l'enfant, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de gens non plus, bon. C'est toujours les plus intelligents qui parlent, forcément. Merde. Je peux même pas d'autosatisfaction. Ce que tu dis, c'est vrai, même si c'est moins vrai que ce que moi je dis. Je crois que pas la solution, mais une prise en compte de ce que je disais et aussi ça fait penser à un truc que je vois de plus en plus des ateliers, des animations, des formations à la, comment on dit déjà, c'est quand un enfant est personne, harcèlement, je sais plus quoi, harcèlement physique, verbal, harcèlement, Je crois qu'il faudrait que chaque fois qu'il y a un changement, c'est-à-dire qu'un enfant change de classe ou déménage ou fait une activité, le judo ou n'importe quoi, qu'il soit accueilli pendant, je sais pas, un mois ou trois mois s'il faut, mais qu'il y ait une... je trouve pas les mots, mais pour moi c'est toujours comme on dit beaucoup aujourd'hui, par exemple, une sensibilisation à l'écologie, une sensibilisation à la danse, des choses comme ça. Mais pour moi, ce serait une plutôt groupe qui accueille une personne et qui lui explique comment le groupe fonctionne, quelles sont justement les règles, les dites et non dites. Et à ce moment-là, il y a une initiation qui se fait progressivement, sans le dire, sans événement particulier, sans rien de que chacun peut faire, chaque groupe le fait à sa manière. Mais cette notion d'accueil qui n'existe plus, et à mon avis ça manque, justement parce que ça manque, il y a ce fait du harcèlement qui se développe. Oui, moi je voudrais qu'Adèle redéfinisse la pensée circulaire et que si tu peux donner des exemples. Alors ce premier point étant énoncé, je passe au second. Notre société fonctionne sur deux modes. Le mode du côté de l'enseignement, ça se retourne à l'enseignement, du côté de la et du côté de la transgression. C'est-à-dire que l'enseignement évolue dans la certitude, de manière à ce que les élèves prennent la pensée qui leur est diffusée comme qui s'étend évidemment au comportement social. Mais par contre, le pouvoir s'autorise de toutes les transgressions, et on en a un exemple récent avec la transgression du parti au mouvement. Cette transgression étant adoptée aussi bien par Macron que par Mélenchon. Et où Hamon est en train de se tâter là-dessus pour savoir ce qu'il va faire. Et donc, moi, comme j'ai enseignant, et j'ai été soumis au régime de la certitude. Et comme ça me révoltait intérieurement, j'ai pris des mesures pour que dans mes cours, la transgression puisse s'inscrire. Parce que si vous savez comment fonctionne une transgression, vous êtes plus attentif à l'espace dans lequel vous vivez et vous pouvez découvrir des transgressions dans les modes de gouvernement. Et le capitalisme gouverne dans le mode permanent. Il y a une étude de Jean-François Kahn là-dessus qui est très intéressante. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour expliquer à mes élèves qu'il fallait pas écouter tout ce que je raconte ? Je me permettais de très sérieuses erreurs de calcul dans des cas qui commençaient correctement. Et je faisais des erreurs volontaires. Et donc, au bout d'un moment, si la classe, surtout le lundi matin à 8h, où il s'était couché à 6h, avait tendance à s'endormir, je constatais qu'il se réveillait immédiatement dès que il y en avait un qui finissait par s'apercevoir que 2 fois 2 égale 5, c'était quand même un peu trop gros. Et donc, j'ai pendant plusieurs années, avec une agression de mes collègues profs qui ne supportaient pas ce comportement. J'ai continué un jour d'inspection où j'avais un inspecteur général sur les bras qui m'a dit: mais monsieur, vous n'avez pas l'assurance de votre connaissance. Je lui dis: oui monsieur l'inspecteur, c'est volontaire. Alors il m'a dit: je ne sais pas comment vous notez. Je dis: c'est votre problème, c'est pas le mien. Trois jours après, la directrice de l'établissement me fait appeler et il m'a dit: vous savez monsieur Labro, faut pas trop jouer avec les inspecteurs généraux. Je lui dis: oui merci madame, au revoir. Enfin, voilà comment ça se passe, si vous voulez. Qui délire hors des clous, il devient dangereux pour le système, parce que il apprend aux élèves comment une transgression peut s'installer. Or, si vous regardez la société aujourd'hui, jusqu'au cours, même plus. Ben voilà, c'est tout pour l'instant. Toi, il y avait une question pour toi, je crois. Peux-tu redéfinir le machin circulaire ? Je l'ai redéfini tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a d'abord, je pense, voilà, l'enfant quand il vient au monde, donc l'expérimentation de son propre corps, on pourrait dire le corps c'est le premier cercle. Après, le second cercle, je sais pas, ça peut être le corps de l'autre, celui qui le porte, par exemple. Ensuite, ça va s'étendre, voilà, aux frères et sœurs, aux personnes connues, aux visages connus. Et puis, petit à petit, ça s'étend. Et donc, plutôt que de penser en termes d'accumulation, c'est-à-dire, il y a un cercle d'un côté, un autre de l'autre, etc., penser en termes d'extension et de passage possible entre ces différents cercles. Et ce sur quoi j'insistais, c'est pour que ce passage-là soit possible, il faut que le premier cercle soit... il faut que chaque cercle prenne le temps de s'établir et d'être... Alors, suffisamment constitué, ça ne veut pas dire grand-chose. D'être expérimenté sans danger, ce serait plutôt dans ce sens-là, d'être expérimenté sans danger pour qu'on puisse passer au cercle d'après. Parce que sinon, s'il y a dans chaque cercle, justement, un danger, une crainte ou des choses qui restent un peu figées, du coup, à ce moment-là, ça va se répercuter dans les cercles d'après. Et typiquement, ce genre de cercle, ça va donc contre la pensée raciale, contre toutes ces pensées-là. Un exemple, du coup, j'ai dit des exemples dans ce que j'ai dit, non ? T'as besoin d'autres exemples ? Comment ? Un exemple de passage de cercle à l'autre ? T'en as un ? Vas-y alors. Pas tout de suite un exemple, mais vous faites tous les deux penser à ce que je disais tout à l'heure, ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire le passage d'un cercle à un autre, c'est ce qu'il appelle la transgression, justement. C'est-à-dire qu'il y a toujours les règles, mais la transgression, c'est un truc paradoxal. C'est-à-dire que tu continues à obéir à une loi, mais tout en y désobéissant. C'est-à-dire qu'il y a des... un exemple que j'ai, d'un enfant, tant qu'il est dans le jardin de ses parents... Il y a une barrière tout autour, bon, il reste dans le jardin, il s'amuse, il fait plein de trucs, plein de découvertes avec les animaux, avec les plantes, etc. Et puis un jour, ça, il y a le concept de limite de cercle, un jour il a l'idée de passer de la barrière. Il saute par-dessus ou il se démerde, parce qu'à ce moment-là il est prêt, il est mûr pour ça, et il a envie de découvrir. Donc il va pas avoir de danger de ce que lui-même peut affronter, parce qu'à ce moment-là il est prêt. Mais si tant qu'il est dans le jardin et je sais pas, son père ou un copain lui dit allez va dehors, saute la barrière, hein, il va lui arriver quelque chose de grave. La transgression c'est presque inconscient, parce que si tu dis à quelqu'un tu dois transgresser, il peut plus le faire. Et c'est ce qui se passe justement aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de transgresser ou de ne pas transgresser. Enfin, l'exemple qui me vient maintenant, c'est ce que j'ai entendu de retrouver l'idée du maître, de parler de Mélenchon à tout prix. La seule transgression qu'arrive à faire Mélenchon, c'est de ne pas mettre une cravate. Voilà, pour dire qu'il n'est pas d'accord. Mais bon, moi, on a mieux à faire. J'ai trouvé un exemple, en plus il va te plaire parce que c'est nuit debout. Tout simplement, voilà, on est aussi sur cette place le fait que les personnes se retrouvent très souvent dans des cercles extrêmement restreints, voire des fois le cercle se limite entre toi et ton ordi. C'est une forme de cercle. Après, il y a des cercles virtuels aussi qu'on peut ajouter dedans. Et donc, quand tu viens sur cette place publique, je pense au d'un coup, là, tu arrives dans un cercle extrêmement grand. Et tu peux avoir justement, c'est un petit peu ce que tu disais aussi avant, tu peux avoir ce sentiment d'insécurité et de risque parce que là tu n'as pas une place Il y a aussi la question de la place dans la circularité. Là, tu n'as pas une place, tu gravites avec d'autres, et donc il y a quelque chose d'extrêmement perturbant. Donc à ce moment-là, il y a la possibilité que hop, tu te regroupes, du coup tu as quelques amis qui sont là, tu reviens sur le cercle antérieur, ton cercle d'amis, et tu discutes avec ces amis, et petit à petit tu vas du cercle d'amis au cercle plus grand de l'assemblée, par exemple, au cercle d'amis. Jusqu'à ce que petit à petit, en fait, le cercle de l'assemblée, qui en plus devient de plus en plus petit, mais ça c'est question de nuit debout, mais que petit à petit le cercle de l'assemblée deviennent un cercle dans lequel toi aussi tu te sens à l'aise. Et c'est aussi la question de la politique, c'est-à-dire pouvoir... Je sais pas en fait si... ce qui serait bien, c'est que le cercle du président de la République soit vraiment aussi grand que la France, mais je pense qu'en fait il est juste centré autour de lui. Mais dans l'idée, ce serait ça aussi, ce rapport aux politiques, ce serait que à chaque fois, plus ça s'étend, un sentiment de responsabilité et de place diffuse parmi les autres. Est-ce que c'est plus clair ? Attends, vas-y, attends. C'est Edith Pop, la tenue. Ouais, mais y a des fois, t'as des gens nouveaux, t'as carré, faut m'en aider. Donc, sur la télé, à quelle société veut-on ? Aujourd'hui, on parle du thème de l'enfant, des enfants. Y a aussi, on est en train d'essayer sur une proposition, ça a des choses à dire. La proposition, c'est que l'école soit aussi un lieu de relais des informations, donner des informations réelles sur ce qui se passe, environnement, guerre, tout de politique, critique de la science, en lien avec les enseignements. Je voulais parler. Vas-y, mais non, mais parle si tu veux, là. Je voulais juste dire, c'est ce que m'a fait penser, ce que disait Adèle, hein. C'est un autre problème, à propos de Macron, c'est le problème de l'appartenance. C'est-à-dire, c'est au lieu d'être de devenir plus responsable pour beaucoup de Français, enfin moi ça c'est mon impression, c'est qu'ils ont abdiqué leur responsabilité sociale, culturelle et politique surtout, en disant voilà, moi je fais partie des Macron. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai une appartenance tellement forte qui remplace toutes les autres appartenances. Voilà. Ta parole. Oui, je pense que c'est très important. C'est que le système est, c'est-à-dire le citoyen délègue ce qu'il est à un pouvoir qui a tous les pouvoirs. Donc la boucle de réaction est coupée, c'est-à-dire que le citoyen n'est plus en fonction de sa vie. Il peut réagir éventuellement aux décisions de l'empereur, mais pas beaucoup, puisqu'il lui fait confiance a priori. Et donc l'action où les boucles de réaction sont très atténuées, et les boucles de réaction feront une partie de ma conférence à 18h. Quelqu'un veut-il parler ? Ouais, il est dans le même état que moi, donc c'est pas... Donc, s'il veut parler... J'essaie depuis tout à l'heure de faire vous parler du sujet, mais vous êtes parti à chaque fois, vous êtes parti à 100 lieues du thème, en fait. Nous, on fait ce qu'on veut, non ? Donc, la deuxième proposition, c'est que l'école soit aussi un lieu de relais de... Donner des informations réelles sur ce qui se passe, environnement, guerre, lutte sociale, enjeux politiques, critique de la science, en lien avec les enseignements. Ça va être dur. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question, du coup, mais par contre, cette question-là avait été déjà plus ou moins abordée sur la question de la philosophie à l'école, enfin au lycée. En tout cas, il y a quelques années, je pense que c'est quelque chose qui revient tous les ans. Mais où c'était passé, en gros, donc c'était évidemment à l'époque du bac. Je ne sais plus quelles étaient les questions en philosophie. Mais on avait donc déjà tout ce qui était problèmes de géopolitique, de terrorisme et ce genre de choses. Et il y avait une question dans les médias. Qui était pour l'élève au lycée, pour le futur bachelier, doit-il ou pas traiter dans sa copie de sujets d'actualité tels que les questions terroristes ou ce genre de choses, à partir du moment où c'est en lien avec le sujet. Et il y a eu un petit problème, c'est qu'on avait des philosophes ou pseudo-philosophes ou ce que vous voulez qui étaient partagés sur la question. C'est-à-dire que pour certains, c'était oui, pourquoi pas. Et pour d'autres, c'était non, pas du tout. La philosophie, ça doit être expliqué. Et un philosophe qui a 3000 ans qui a dit ou confirmé ou infirmé la proposition et basta. Sauf que pour moi, la philosophie, ça sert à nous faire réfléchir et du coup, en fait, à philosopher. Et la proposition, je trouve personnellement que traiter de sujets d'actualité sur des questions philosophiques censé être autorisé et surtout assez primordial. Par contre, du coup, ça pose un autre problème, c'est l'évaluation de la philosophie au bac ou en classe qui finalement tu es évalué par une personne selon sa façon de penser. Et du coup, par exemple, si tu traites de sujets d'actualité ou géopolitique ou autre dans ta copie et que tu es un gros con, on va dire, donc quelqu'un qui est contre le fait de traiter de ce genre de choses, tu vas te manger une bulle, même si tu as très bien traité le sujet. Voilà. Ça te va, Boris ? Justement, je trouve ça super intéressant parce que c'est là le problème de l'école, c'est-à-dire qu'on nous ramène des trucs qui seraient figés, acquis, comme tu disais, des certitudes. Alors que de les mettre en question avec le système actuel, déjà ça politiserait un petit peu nettement plus tout le monde. Et puis surtout, ça serait en effet prendre un risque. Mais, et très souvent, on le voit notamment dans le monde universitaire, les gens ne sont même pas responsables de leurs propres paroles. Ils vont te pondre une qui pourrait être gravissime, mais ils vont te dire « lui a dit ça, machin a dit ça, qui fait qu'il a dit ça, et ça donne ça comme conclusion ». Et là-dedans, où est-ce qu'il dit « je », où est-ce qu'il s'imprime comme sujet parlant ? Nulle part. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent dire en face ? Et ils peuvent dire « oui, mais cet auteur, il a dit ça, mais moi, je ne l'ai pas tout à fait pris comme ça. » Et ça part sur un jeu, en défaut intéressant, mais quand même assez rarement. Donc, à partir du moment où ces sujets étaient exposés, eh bien déjà, ça permettrait à tous ceux qui sont pas forcément, qui déjà n'ont pas forcément accès à toutes les grandes théories et qui n'y sont pas non plus forcément sensibles parce qu'ils ont leur propre expérience, mais là-dessus, en disant « voilà, moi, ce que j'ai perçu à ce moment-là, ça s'est passé comme ça. » Et c'est comme ça, je le comprends. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui dit « bah non, moi j'ai vécu ça, mais de cette façon-là, et c'est comme ça que je le comprends. » Et là, peut-être, le rôle de l'enseignant, ce serait de dire « eh bien, cette chose-là, et voilà comment est-ce qu'ils l'ont traité. » Bah là, putain, quel cours d'histoire, ce serait pas la même cours d'histoire que celui qu'on a maintenant. Et ça permettrait non seulement pas de prendre l'histoire comme quelque chose à apprendre par cœur avec des dates, etc., mais comme à chaque fois des enjeux politiques, sociétaux, des résolutions, ont été résolues ou pas d'ailleurs, et de quelle façon ça peut éclairer la société actuelle, donc c'est-à-dire quels sont aussi l'impact de ces choix historiques sur la société actuelle, et de quelle façon, maintenant, par rapport à ces choix, on peut aussi réfléchir. Et je pense que, là c'est l'exemple de l'histoire parce que c'est le plus facile, avec toutes les sciences. On peut faire la même chose avec les mathématiques, on peut faire la même chose avec la littérature, on peut faire la même chose avec tout. Et si ça, on le mettait direct en lien, je pense que déjà les élèves seraient beaucoup plus intéressés par ce qui se passe, les profs aussi certainement, et en plus il y aurait moins de cours à préparer, à écouter, à débattre, et ils seraient obligés eux aussi de réfléchir. Et surtout ce que ça poserait, et ce qui n'est pas du tout posé actuellement à l'école, comment est-ce qu'on juge des compétences de chacun ? C'est celui qui dit le mieux ce qu'a dit le prof, en gros. Là, ce serait vraiment un autre rapport parce qu'en fait, chacun s'apporterait autre chose. Et donc, ça imposerait d'emblée une forme d'ouverture à l'autre. Je veux dire, il y aurait le cadre de sécurité. En fait, la classe, ce serait juste un lieu d'échange pacifique de paroles. Comme on pourrait dire, on a un peu ici. La seule chose qui serait posée par la classe, ce serait ce cadre de débat sans se mettre sur la gueule, sans insulter les autres. Et déjà, rien que d'avoir ça, ensuite, on peut aborder tous les sujets à partir de la respect de la parole de l'autre. Même si quelqu'un développe la thèse d'Hitler, quelqu'un d'autre en face va dire « Mais enfin non, écoute, moi je l'ai pas. » Mais si toutes ces paroles-là sont ouvertes, bah, je veux dire, celui qui a développé la thèse d'Hitler, il risque de se faire mal voir dans sa famille s'ils n'ont pas eu cette chance-là d'ouverture de la parole. Mais... Enfin voilà, et là justement aux différences culturelles et à toutes les choses qu'on peut nous avoir inculquées comme ça sans que ça ait jamais été posé en question, bah ce serait énorme. Et il me semble que ça peut être mis en place. C'est juste que en effet, comme le disait l'intervenant aussi d'avant, il n'y a pas de volonté politique là. C'est de ne plus avoir des sujets obéissants, croyants, ce que leur dit la vision du monde qu'a notre gouvernement, quoi. Je ne suis pas philosophe, je vais revenir au thème. Une autre chose, c'est toujours la même chose qui manque dans les écoles, même maternelles, primaires, etc. C'est de raconter les contes et les légendes, des histoires de transgression, simplement sans que les enfants se rendent compte, mais on leur explique comment il faut faire quand ils auront l'âge et la maturité pour le faire. Et ce qui devrait se faire maintenant dans le bâtiment des écoles, c'est-à-dire il n'y aurait plus d'écoles comme maintenant, où les enfants sont incarcérés, mais autour des écoles, et y compris tous les immigrés, les réfugiés, etc., qui peuvent venir raconter leurs contes, leurs légendes, qui peuvent venir faire leur musique, leur théâtre et leur philosophie aussi, parce qu'il n'y a pas que les Grecs qui ont fait de l'art, c'est partout, c'est tout le temps. Et si un élève parle de la philosophie hindoue ou bien d'Amérique du Sud, etc., bon, c'est sûr que le prof il peut pas tout savoir, donc il comprendra rien. Obligé de noter simplement si... La rédaction, quoi, si c'est clair ce qui a été écrit. Maintenant, les idées, il ne pourra pas les censurer parce qu'il y a des milliers et des milliers d'idées possibles qui peuvent être toutes justes. Il n'y a pas de juste ni mal. C'est différent. Et à ce moment-là, il n'y a pas de note possible non plus. Et même, je dirais aujourd'hui, ce qui pourrait être organisé dans des réunions comme ça avec des immigrés, mais aussi avec des personnes qui vivent dans un hôpital psychiatrique, par exemple, ou des gens qui vivent en prison, voilà, qui peuvent venir devant un groupe d'enfants et parler de philosophie. Pourquoi maintenant, si je disais ça à un enseignant, il appelle la police. Même un CRS pourrait venir parler de philosophie. Silose. Oui, pour continuer ma vie de prof, si vous voulez, c'est vrai aussi que le fait que je fasse des erreurs a fini par souder les classes. C'est-à-dire que moi, ils venaient à mes cours parce qu'il y avait du suspense. Et donc, il n'y avait pas que des maths, il y avait du suspense parce que c'était du théâtre. Et alors je me suis dit un jour, il faut que j'étende ça à tout le lycée. Donc j'ai dit au chef des travaux, la semaine prochaine je fais un cours, tu peux venir, les cuisinières peuvent venir, les femmes de ménage, le personnel d'entretien, la directrice, tout le monde. Alors il m'a dit, mais si tu fais ça, je vais te signaler. Bon, j'ai dit, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, je dis Sion. Et donc, dans ce cours, il est venu des gens de l'extérieur, et les cuisinières, les agents de labo. Et donc, on traitait, en plus, un sujet qui traversait trois. Il y avait des secondes, des terminales et des BTS qui traitaient le même sujet. Et donc ça faisait aussi un cercle élargi là. Et donc ça a très bien marché, et j'ai même filmé ce que je diffuse quand je peux. Non, j'ai pas été viré ce jour-là, Mais par contre, 2 ans plus tard, il y a 3 élèves à moi qui ont été virés. Donc comme ça, je sais pas, je le raconterai à 18h30. Donc bah maintenant je vous invite, on va passer peut-être à l'autre thème, aux autres propositions. Donc la troisième, c'est la troisième proposition, c'est logiciel libre dans l'apprentissage du numérique. Donc apprendre le fonctionnement du virtuel et numérique, ses risques et la critique des infos disponibles, comme par les journaux ou médias. Qui veut se lancer sur cette question vaste? Oh, à un moment je m'en branle. Hein. Du coup, moi, je voudrais revenir donc sur le point précédent quand même, parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'ultra développer, surtout vis-à-vis des profs. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai un petit souci. Tu parlais de mathématiques tout à l'heure, Adèle, en disant qu'on pouvait adapter aussi, enfin n'importe quelle matière, quelque chose, on va dire, de relativement extérieur à juste ce qu'il est. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai eu tout un tas de profs au cours de ma scolarité, entre une prof de philo qui était bien et qui nous faisait réfléchir, et pas que forcément à Platon, Marx. Par contre, j'ai eu également du coup un prof de mathématiques qui lui était très ancré dans son cours, et peut-être trop ancré dans son cours. Donc je sais pas comment il a été formé. Moi j'ai toujours eu quelques problèmes avec les maths, j'ai toujours trouvé ça très trop abstrait et pas... difficilement transposable pendant le cours directement une application pratique. Je vais pas raconter ma vie, mais en gros j'ai fait un bac littéraire et je suis arrivé en fac de gestion. Donc mon niveau en mathématiques était quand même extrêmement bas, par exemple. Donc je suis passé de choses relativement simples au bac à un prof de maths en gestion qui essayait de nous expliquer le principe des logarithmes, etc. Et un jour, avec pas mal de collègues, on a été voir le prof, on lui a dit, mais avant de nous raconter toutes vos conneries là, en sachant que son cours était, contrairement à toi, pas très, c'était des PowerPoint et il lisait ses PowerPoint. Donc nous on recopiait bêtement, on avait été le voir du coup et on lui dit, mais est-ce que vous pourriez juste nous expliquer ce qu'est un logarithme? Et sa réponse a été, un logarithme c'est un logarithme. Donc évidemment ça, et ma vraie problématique sur cette histoire là c'est que j'ai quand même réussi à avoir une définition du logarithme et une application pratique grâce à mon professeur de comptabilité. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai mon prof de compta qui m'a fait, en gros, appris ce que mon prof de maths était censé. Et du coup, en termes concrets, ce que je veux dire, c'est que ce qui serait peut-être pas mal, ce serait de réussir à obtenir une formation pour les profs, à pas juste baver ce qu'ils ont appris et ce qu'ils sont censés nous apprendre, mais un moyen, en fait, de nous inculquer les choses, peut-être par quelque chose de... c'est-à-dire mise en pratique ou quelque chose comme ça. À l'exemple de, justement, qu'est-ce qu'un logarithme, comment ça s'utilise, à quoi ça sert. Donc mon prof de maths, il sait, c'est un logarithme, c'est tout. Voilà. Du coup, je ne sais pas si ça fait une proposition concrète, ça, mais... La suite... Ouais. Donc là vous êtes dans la commission éducation populaire, on fait un atelier sur la question quelle société veut-on, on est en train de faire un fait de... Donc on a déjà en fait des phrases qu'on a faites, et avec ça en fait on attend des gens qu'ils apportent des propositions réelles pour amener demain pour sur ces thèmes là. Alors, je vais rebondir sur ce dont tu as parlé tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, L'autre thème, bon, je passe à l'autre thème que tu as lancé, parce que je ne sais pas trop de quoi vous parliez avant, je crois que vous parliez des profs ou quelque chose comme ça. Sur la question du tissage par le numérique, je pense que ce qui peut se faire relativement facilement, c'est déjà s'assurer, demander. Là, c'est une demande à formuler aux politiques, à l'éducation nationale. C'est s'assurer que chaque foyer dispose d'un ordinateur qui, alors après, oui, et puis qui dispose aussi d'un accès à Internet. Alors ça peut être limité, hein, c'est-à-dire c'est pas pour regarder des vidéos et des vidéos, mais juste pouvoir accéder à Wikipédia et autres, donc avec peut-être une limitation du débit, mais qu'au moins l'État ou la municipalité ou je ne sais quelle autorité publique fournisse à chaque foyer, notamment là où il y a des enfants. Alors un ordinateur avec quelque chose qui serait avec des logiciels libres, c'est-à-dire qu'un système d'exploitation basé sur Linux mais développé par des ingénieurs formés par la collectivité, par l'État ou autre, et tout le logiciel libre. Alors par exemple, je pense à ce que font les gens de Framasoft, mais après il y a plein de choses qui se font dans le libre, et fournir une formation, je sais pas moi, tous les après-midi ou tous les dimanches après-midi ou je ne sais quoi, où on apprend à tout le monde, quel que soit le niveau, l'âge et autres, à se servir de ces outils libres, et ensuite pouvoir exploiter aussi, de donner les directions pour Internet, parce que par exemple quand on est chercheur, eh bien, on apprend à chercher des données, des informations extrêmement poussées et autres. Maintenant, on a Internet. Internet, c'est une mine. C'est une véritable mine d'informations. On n'a plus à aller s'inscrire à la bibliothèque et puis commander un livre à la bibliothèque. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du possible. Et la question du numérique, ça peut être vraiment un moyen d'assurer une égalité réelle. Alors après, l'égalité réelle, elle sera rendue possible par le temps. Donc je vais pas parler de la loi travail, mais voilà, il faut que chacun ait le même temps disponible pour se consacrer à ces choses-là, et donc utiliser tous ces outils numériques pour l'éducation. Qui veut continuer sur ce thème-là? Pour dire que je suis pas d'accord, comme d'habitude, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a 10 ans, c'était vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, justement, en venant à Nuit Debout, j'ai appris des tas de choses sur le, et même il y a des, comment dire, maintenant des cours contre Microsoft ou Google, où c'est quand tu tapes quelque chose, tu fais une recherche, la première chose que tu trouves, c'est de la publicité déguisée. Bien sûr, on ne te dit pas que c'est de la publicité, mais c'est que de la publicité. Faudrait que tu passes, je sais pas, une heure, une demi-heure, ou que tu saches vraiment chercher au-delà des 50 premières pages pour trouver vraiment ce que tu cherches. Et personne ne peut le faire. Personne ne peut apprendre à faire ça, le temps et les moyens, et surtout en vie. Donc, moi j'utilise Internet aussi encore maintenant, mais de moins en moins, parce que avant, il suffisait de taper un mot, j'avais des trucs intéressants. Maintenant, c'est un hasard, quoi. Une fois sur 10, je trouve quelque chose d'intéressant. Les autres fois, justement, j'ai appris plein de choses. Maintenant, je sais distinguer la publicité de l'information. Enfin, à peu près, pas tout à fait. Par contre, ce qui manque, à mon avis, c'est plutôt le... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais... de la formation de l'esprit critique ou simplement la logique, de notre éducation de l'école etc., on est toujours inconsciemment convaincu que la seule logique possible, c'est la nôtre. Alors que même pour les mathématiques, il y a des mathématiques chinoises, il y a des mathématiques africaines, il y a des indiennes, etc., qui sont complètement différentes des nôtres. Seulement qu'on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existait pas. Parce que c'est pas dans notre logique, ça demande un effort très très important mentalement pour voir des choses comme évident. C'est pas vrai que c'est évident. Maintenant, c'est quelque chose qu'on dit, c'est aussi simple que 1 plus 1 égale 2. Non, c'est pas simple 1 et 1 égale 2. Dans certaines cultures, c'est quelque chose de très compliqué. Et on y arrive, mais par des chemins complètement... Et c'est ça qu'il faudrait savoir faire, c'est-à-dire sortir de sa propre logique pour entrer dans une autre, hein, et plutôt que de savoir manipuler un ordinateur. Je voulais juste faire remarquer que l'utilisation du logiciel libre pour l'éducation des enfants, très bien, mais c'est juste un outil de plus. Et de toute façon, ce ne sera pas cet outil qui résoudra la fracture sociale, qui va résoudre les problèmes d'inégalité et de différenciation. Parce que dans le cas du logiciel libre, ce sera toujours les mêmes qu'aujourd'hui qui auront accès à la meilleure information, à la meilleure qualité d'enseignement et compagnie. C'est juste un outil de plus et c'est un peu illusoire de croire qu'introduire un nouveau dans l'école, un ordinateur dans les foyers va résoudre les problèmes. Ça va le décaler, mais ça ne résoudra rien. Par contre, c'est vrai que ce serait bien que tout le monde ait accès à Internet. Mais ce n'est pas une solution pour l'éducation. Moi, tout ce que je voulais juste demander, 50 centimes, c'est tout. Si vous avez 50 centimes à dépanner, 50 centimes, c'est pas grand chose. On va s'arranger pour te filer 50 centimes. Pour répondre à Bruno, je pense que l'ordinateur est un des outils qui permet aujourd'hui l'émancipation. Puisque les partis politiques, les syndicats ont du mal à trouver des publics et des troupes qui ont besoin de chefs, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, il y a une crise de la représentation par les partis et par les syndicats. Peut-être un peu moins chez les associations. Mais l'ordinateur sert à fabriquer des réseaux. Moi, je dis pas que c'est la solution idéale. C'est pas une solution, c'est un outil. Et c'est fonction de l'utilisation de cet outil qu'on peut déboucher sur quelque chose. Mais malheureusement, les partis politiques sont moins les outils qu'avant. À partir du moment où il y a une déficience de ces structures, l'ordinateur a un avenir que moi, pour moi, Bruno, tu le règles la question. Alors, vous avez fouillé vos poches pour trouver 50 centimes. Bonjour tout le monde. Moi, je pense, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer quoi que ce soit. Il faut d'abord qu'on... Moi, je pense qu'avant qu'on parle de changer ou de pouvoir changer quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on sache ou qu'on mène une réflexion sur le pouvoir qu'on a. Parce que, bon, il y a des réflexions pour changer l'éducation, pour mettre l'école sur la bonne rail et tout. Mais bon... On est quoi devant l'oligarchie mondiale aujourd'hui? On est quoi devant... On n'est rien du tout. On n'est absolument rien. Notre avis reste ici à la place de la République. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense que les programmes aujourd'hui, les programmes scolaires des A, ils sont bourrés de mensonges. Déjà, quelque chose... C'est comme en fait quelqu'un qui est bâti sur le sable. On bâtit une maison sur du sable. Demain, il y a du vent et puis on n'a que ruine. La preuve aujourd'hui, c'est de plus en plus... Plus il y a de mensonges, plus la société dérive. Déjà, regardant 20 ans en arrière, je pense que la société elle était bien élevée qu'aujourd'hui. Grâce quand même, il y a un peu plus d'humanité, il y a un peu plus de vérité. Plus le monde devient matérialiste, plus l'éducation s'efface et le pouvoir s'installe. Et la gourmandise s'installe. Voilà, l'argent prend place, la vie n'a plus de valeur. L'âme humaine devient une marchandise au marché. Donc, avant même que je mène n'importe quelle réflexion sur l'école, je me demande déjà à quoi ça sert. À quoi ça sert, quel impact aura vraiment sur ce changement qu'on espère. Moi, je suis pessimiste, désolé de vous le dire. Oui, je crois qu'il faudra qu'on mène une réflexion sur comment transformer un pessimiste en optimiste. Voilà, il faudra qu'on trouve un peu les outils, bien qu'on trouve une petite formule. Sinon, pour reprendre un peu sur les quelques remarques qui ont été faites vis-à-vis de ce que j'ai dit, bon, évidemment, quand je dis ce serait bien que ceci, ce serait bien que cela, notamment sur les outils informatiques, bon, c'est une proposition dans un ensemble de propositions. C'est pas c'est pas les ordinateurs, les outils informatiques libres ou je ne sais quoi qui vont libérer la société ou faire quoi que ce soit de magique. Bon, j'essaie juste de parler sur cet élément, et ça me semble très important parce qu'on voit des effets négatifs, extrêmement négatifs sur l'usage des outils informatiques et autres, mais c'est simplement parce que les gens n'ont pas été formés. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans les écoles, si on forme les gamins, mais tu pourras peut-être nous dire au niveau des outils informatiques, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Je vais juste donner un exemple, ce que je connais. Sur les questions d'histoire et autres, si on dit « Ah, voilà, la Révolution française, il y a machin qui a fait ci, il y a machin qui a dit ça, et puis Napoléon truc, et puis les pyramides, et puis je sais pas quoi, et bon. » La question, ce qui nous intéresse, la référence dans Google, on va tomber sur le dernier bouquin de machin chez Amazon, ou on va tomber sur Google, Google Reads, Google Books, Google Pub, Google truc. Mais il y a un autre site, il y a un site qui s'appelle Gallica, pas de mettre google.fr, il faut mettre gallica.fr. Et sur gallica.fr, il y a des millions et des millions, voire des milliards de pages d'archives, de documents originaux, où on peut regarder qu'est-ce que a dit Napoléon à son retour d'Égypte ou je ne sais quoi, et on a les deux. Et là, on peut, s'il y a une controverse, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque et autres, eh bien, on a accès à ces documents d'origine. Mais qui c'est ça ? Qui sait qu'on a accès à tous ces documents ? Personne. Voilà. Donc, il faut juste... Là, c'est juste un exemple parmi énormément d'exemples. Mais c'est juste trouver les outils, les sites, avoir ces informations-là pour justement trouver la bonne information, avoir les clés de recherche. Et c'est la même chose pour l'UTS, c'est la même chose pour plein de choses. C'est-à-dire qu'on a des outils et l'outil est beaucoup trop développé pour les connaissances et la maîtrise qu'on a. En fait, on n'a pas la maîtrise de l'outil. Et donc, on se fait complètement dominer par cet outil qui envahit nos vies et qui nous pollue. Donc, voilà, il y a un effort d'éducation extrêmement important à faire à ce niveau-là. C'est bien drôle. Dans mon collège, enfin mon ancien collège, je sais qu'ils avaient installé un système avec des tablettes et tous les petits travaillaient par rapport à ça. Mais sinon, par rapport aux nouvelles technologies, à part faire 2-3 trucs sur l'ordi, apprendre à faire un tableur, c'est pas super intéressant. Même ce que le système nous propose en termes de... dans le programme, même programme de ce qu'ils nous apprennent, tout ça, je pense pas qu'on ait besoin de ça pour continuer dans la vie. C'est tout. Tiens, parle. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, juste... moi, j'habite dans sur une montagne. Une petite montagne. Il n'y a que du caillou, du pierre. Le soleil, les cactus, les détails. Mais là, c'est une belle montagne, un peu chère. Et puis, quand je monte sur la montagne, je suis heureux. J'ai pas besoin ni d'argent, ni tout ceci, tout cela. Quand je monte sur la montagne, pourquoi ? parce que c'est la nature. Et quand j'ai besoin de manger, je demande à mon papa. Mon papa, c'est un berger. Il a beaucoup de chèvres. Il a un troupeau de chèvres. Si je veux manger de la viande ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie une chèvre. Voilà, c'est ça. Ah, ça veut dire sacrifier une chèvre, ça veut dire. On va la buter, comme ça, on va manger. Ah, c'est... En tout cas, c'est la montagne, c'est la vue de la montagne. On est loin de la ville. En tout cas, on est heureux. On est heureux dans la montagne. Avec juste 2-3 chèvres, on peut vivre. Donc, on n'a pas besoin de technique ni de rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est la montagne qui nous donne tout. La montagne, c'est elle qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Voilà. Bah, en fait, pour former les gens sur un outil internet, c'est la même démarche et c'est la même méthodologie que pour former les gens à chercher sur un livre. Donc, ce qu'il faut, c'est leur donner, c'est arriver à donner envie aux gens d'aller chercher l'information, de leur donner l'envie de développer leur curiosité. Et on n'a pas l'outil internet va être indispensable dans notre société à venir. Mais ce que je te dis, c'est pas cet outil internet qui va résoudre les choses, c'est la façon dont on va leur apprendre qui va changer. Hein, parce que accessoirement, tout le monde a accès à Internet, à toutes les recherches, mais combien de personnes ont envie de se fader la recherche, de faire l'effort d'aller lire l'information qui est disponible, de la digérer, de la comprendre. Et que c'était entre autres par l'outil Internet qu'on pourrait essayer de se réapproprier, je te promets ça ne marchera pas, enfin c'est mon avis. On leur a tellement appris à leur fournir l'information prédigérée, et ça commence à l'école, plutôt qu'aller à la source, leur donner l'information brute et le travail qu'il faut faire pour la comprendre. Ce qui pourrait rendre les choses aussi plus intéressantes à l'école d'ailleurs. Apprendre à apprendre. Non, mais on est d'accord hein, sur tout ce que tu as dit, on est d'accord, apprendre à apprendre et donner l'envie de développer cette curiosité, développer l'esprit critique face à l'information, face à la connaissance, ça c'est central. Après, cet outil informatique, il faut pouvoir l'utiliser, quoi. Il faut pouvoir l'utiliser aussi. Et on parlait de fracture tout à l'heure, il y a une qui est de fait là-dedans, donc faut utiliser ces outils. Comme le disait le jeune homme tout à l'heure au collège, là. La formation au lycée, au niveau numérique, tout ça, c'est dépassé. Enfin, c'est pas ça. Oui, excusez, je suis d'accord ni avec Bruno ni avec le précédent intervenant. L'ordinateur a son indépendance technologique et sociale. Et vous n'avez pas. Si vous voulez apprendre à apprendre, qui va faire ça? Personne. Donc, vous, les ordinateurs, il y en a partout. Donc, les gens se servent de l'ordinateur sans prof. Ce qui caractérise l'ordinateur, c'est qu'on n'a pas besoin de prof. Donc, il n'y a pas besoin d'apprendre à apprendre un ordinateur. Si, on a besoin. Mais non! Non, c'est au contraire, c'est hyper important parce que c'est tous ces outils-là, ils paraissent intuitifs, ils sont intuitifs. Apple, tout ça, c'est intuitif. Donc, on n'apprend pas à utiliser ces choses-là. On comprend comment l'information avec l'algorithme arrive sur notre mur. On va pas comprendre que on est géolocalisé et tout ça. Non, il faut apprendre, au contraire. C'est un mec, Tristan Nito, qui a sorti un bouquin sur surveillance et tout ça, qui parle justement, qui explique ça, qui explique qu'on nous a donné un téléphone portable dans les mains, mais on nous a pas appris à nous en servir, on nous a pas appris tout ce que c'était, que juste dans votre téléphone portable, s'il est tout ça, il y a au moins 2 caméras, une devant, une derrière, il y a plusieurs micros, il y a plusieurs trucs. Non, il faut apprendre justement, il faut comprendre. Après, on s'en sert ou on s'en sert pas, mais la base, c'est la formation, et voilà, on n'est pas du tout formé et au contraire, il se creuse une fracture entre ceux qui peuvent l'utiliser ou pas. Et voilà, oui, c'est pas le Saint Graal, c'est pas que avec ça qu'on va changer le monde, mais ça permet de faire des choses, de bouger des choses, d'aller voir sur Gallica. Oui, il y a des gens qui connaissent Gallica, parce qu'ils s'intéressent à l'information et voilà, il faut développer ces outils, faut ces outils au plus grand nombre à ceux qui voudraient pouvoir les utiliser. Oui, je reviens sur ce qu'il dit lors de la première séance sur la question de l'éducation. En fait, je rebondis vis-à-vis de ce qu'a dit le jeune là qui est au collège. C'est étonnant hein, quand même que les jeunes qui sont au collège actuellement, on leur apprenne la même chose que ce qu'on nous apprenait à nous quand on était au collège il y a 15 ans. Et c'est quoi le problème ? Le problème, c'est simplement que c'est la formation des profs. C'est-à-dire qu'avant de penser à la formation des élèves, à ce qu'on va mettre dans les programmes, il faudrait quand même s'assurer de former un peu les profs. Que les profs, eh ben, ce soit les profs de techno ou d'informatique ou de je ne sais quoi, quelqu'un qui soit capable de, je sais pas moi par exemple, de faire du cryptage, qui soit capable de savoir ce que c'est que Tor, qui soit capable de régler des paramètres sur Facebook, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui les enfants vont faire Facebook, on va paramètre de Facebook et on va regarder comment est-ce que on paramètre un Facebook de sorte à ce que, et la semaine prochaine on apprendra à naviguer partout sur internet de la façon la plus anonyme possible, et puis la semaine suivante, si vous êtes sage, si vous êtes vraiment sage, je vous apprends, vous soutirez du son et de la vidéo de YouTube. Bon voilà, c'est ça, c'est apprendre aux gamins à vraiment servir de ça. Or les adultes qui apprennent l'informatique aux enfants et autres dans les collèges, en fait, ils savent rien de tout ça. Donc, il faudrait déjà commencer par former. Et à partir de là, on pourra commencer à réfléchir à ce qu'on met dans les programmes. Bonjour, excusez-moi, bon, moi, j'ai bien entendu la mère, mais moi, je pense que Je pense quand on est loin de l'informatique, par exemple, on est loin de ce mode d'éducation de ça. Donc quand on est loin de ça, il y a une autre approche qu'il faut faire, c'est que il faut marcher dans le sens que, dans le sens, par exemple, on va parler d'argent parce que il y a une question d'argent qui se pose aussi. Et puis l'éducation, parce que on se retrouve dans un bled, par exemple, dans un bled, on va dire sur une montagne, par exemple, je sais pas. Et puis on va prendre la chose autrement. On va prendre une autre approche. Hein. On va pas dire comme ça, mais on va essayer de prendre une autre approche. Et je pense que c'est la meilleure solution parce que, comment dire, c'est parce que moi j'ai un copain, c'est un berger. Et puis un jour, il a voulu se retourner et quand il s'est retourné, il est tombé sur une chèvre. Voilà, donc on va essayer de prendre l'approche. Je pense qu'il y a un truc à faire. Oui, mais pour réagir sur ce que vous dites aussi, là, on pourrait penser, en effet, après tout, le numérique, à quoi ça sert, on peut s'en passer, le problème, et qu'il y a des personnes qui s'en servent. C'est comme tu le disais très justement, ça, c'est perçu comme un outil intuitif, alors que c'est un outil idéologique. Donc il faut apprendre quand même de quelle façon ça fonctionne pour pouvoir justement ne pas le prendre de tout donner et qui serait représentatif d'une certaine réalité. Donc on peut plus se passer de cette formation, mais par contre il n'est pas nécessaire, je me disais, que ce soit les profs qui soient directement formés. Peut-être que on pourrait proposer justement à des informaticiens ou à des geekers de dans les écoles, et je pense que ce serait d'autant plus intéressant parce que ce serait leur truc, ils viendraient parler de leur passion et de la façon dont ça marche, et ça permettrait aussi une ouverture et des dialogues certainement très intéressants. Moi, je suis très sérieux quand je dis que la question de l'ordinateur, je nie pas qu'il faut une formation. Mais la formation sur le tas, par l'expérience, est aussi formation par en haut. Qui allez-vous trouver aujourd'hui pour former des gens sur les ordinateurs ? Vous n'allez trouver personne. Donc ça signifie que la société n'est pas foutue aujourd'hui de diffuser. Si je donne mon expérience personnelle, en 2007, on a créé un réseau pour aller chercher Beauvais et on a eu un impact politique direct. Mais on connaissait rien aux ordinateurs. Donc je pense à ça. Et d'autre part, quand vous fréquentez des gosses de 10 ans, les trois quarts du temps, ce sont eux qui apprennent à leurs parents comment ça marche, y compris pour les téléphones. Donc ils sont en contact direct avec l'outil. Et les adultes, ils ont une culture qui est liée à la culture du passé. Ils sont incapables de faire marcher les machines. Il faut qu'ils fassent de gros efforts de 10 ans. Ils font ça tout de suite. Donc, si vous voulez dire qu'il faut former des formateurs, pour moi, c'est juste une aberration. Je veux dire, dans le concret. Alors, moi je voudrais dire la culture n'est plus qu'elle était. Non, pardon, pas la culture. La curiosité est plus qu'elle était. C'est même à propos de ce que vous dites, que les enfants peuvent connaître beaucoup de choses, peuvent même enseigner aux parents, mais les enfants ils savent très bien imiter. C'est-à-dire que vous leur faites voir un certain cheminement pour trouver certaines choses comme des films, de la musique, etc. Ils sont très bien, très capables de le reproduire. Demander une chose qui est complètement différente, ils savent pas faire. Ils savent pas partir à zéro. Et ils peuvent pas savoir. Et la curiosité, c'est plus que c'était dans le sens où il y a 2 ans, j'étais à la ferme pédagogique. Pardon, excuse-moi. Et il y avait des animaux, et moi je m'occupais du jardin, du potager. Et les enfants, quand ils venaient, bon, ils couraient après les lapins, des choses comme ça, parce que ça bouge, parce que c'est dynamique, parce qu'on peut les caresser, etc. Le jardin, les arbres, tout ça, ça les intéressait pas du tout parce que ça bouge pas. C'est quelque chose. À la limite, il demandait le nom d'une plante, mais 2 minutes après. Et c'est ce qui est en train de se faire justement par le fait qu'il y ait l'ordinateur. L'ordinateur, la télé, le téléphone, etc. Il n'y a que ce qui bouge, qu'il y a des lumières vives, des flashs, des mouvements apparents. Il n'y a plus que ça qui intéresse et qui rend curieux. Tout le reste, même des soi-disant adultes, aussi il y avait des associations d'adultes qui venaient, des écologistes, pour voir comment planter quelque chose. Bon, pour eux, j'ai une plante, je fais un trou, je fous la plante dedans, je ferme et voilà, j'ai planté quelque chose. Alors que c'est pas ça du tout, c'est pas que ça. Ça c'est la partie visible, justement. Il y a un mouvement, mais tout le reste, le toucher la terre, l'odeur, on la met à cet endroit-là, pas à un autre. Qu'est-ce qu'il y a tout autour, qu'est-ce que ça va donner quand elle va grandir, etc. Ils comprennent même pas que ça puisse être intéressant. C'est pas, il y a aucune curiosité là-dessus, parce que ça brille pas, c'est pas l'humain. Et cette curiosité-là, je crois que c'est important en tant qu'être humain et pas seulement en tant que serveur de machine. Parce que c'est quelque chose qui est à noter, qui est à travailler un peu dans la deuxième partie de l'atelier, c'est la question de la curiosité. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente là depuis quelques semaines. J'essaie de rencontrer de nouvelles personnes et tout, machin, de faire. Et en fait, je pense que c'est aussi dans la discussion qu'on avait eue sur la zone du confort, la zone du dehors, tout ça. Je pense que la curiosité, oui, c'est quelque chose qui, si on le cultive. Et si on pousse un peu les gens autour de nous à le cultiver, à développer, on peut arriver à des choses assez intéressantes. Donc la curiosité, oui. Et moi, mon rapport à l'informatique, Pour tout dire, j'ai été formé pendant un an. J'étais au, je crois que c'était au CE2. Non, je me rappelle plus. CM1, CE2 peut-être. Quand on a, je sais pas, genre 8 ans, un truc comme ça. Et j'ai juste eu une formation copier-coller. Hein. C'était rien du tout. Hein. Sur l'ordinateur, on copie-colle et puis on fait deux, trois lignes de code, de rien du tout. Mais rien que ça. Ça m'a ouvert une certaine curiosité et depuis, à chaque fois que je suis sur un ordinateur ou un smartphone ou un machin, je suis porté naturellement à aller tripatouiller un peu dedans. Alors je suis pas devenu un programmateur informatique et autres, mais je développe cette curiosité à toujours vouloir télécharger de nouvelles applications, les essayer, que je peux pas faire avec. Et voilà, et donc je pense que développer cette curiosité vis-à-vis de l'outil informatique, c'est peut-être quelque chose qui ensuite amène à avoir un rapport avec l'outil informatique dont Pierre parle. C'est-à-dire on se retrouve face à la machine et on se forme soi-même à l'outil. Et on a un comportement, parce que la machine, en effet, elle permet d'avoir un rapport autodidacte dans le mode de fonctionnement et d'apprentissage. Donc voilà, développer la curiosité. Juste pour finir, parce que à propos de la curiosité, toujours que je parlais de l'agriculture, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais pour faire toujours l'ancien combattant, dire quand j'avais 12-14 ans, plus ou moins avait un vélo moteur, ça s'appelait, ou une mobylette. On passait les amis du quartier, etc. On passait les samedis et les dimanches. À nettoyer, à démonter, à remonter, à essayer d'améliorer, à réparer ce qui était cassé. Et ça aussi, avec un ordinateur, tu es complètement passif. C'est-à-dire, tu peux simplement faire ce qui te permet de faire. Tu peux rien inventer. C'est pas toi qui es acteur. Tu es là et tu subis ce que la machine te permet de faire. Et ça aussi, c'est une autre curiosité. Je voudrais vous informer que sur le site de Pierre Labron FR, il y a le film que j'ai tourné le jour où Yves des Chinois, les chansons révolutionnaires, et aussi ici, Nuit debout certainement, et la lutte pour avoir une constitution. Deuxième chose, vous ne comprenez pas, je suis les bas-fonds, même si j'ai beaucoup de films sur Internet. Et je peux vous dire que sans qu'on donne des points de repère clairs aux gens, du bavardage le vôtre. Moi, je ne peux pas me arrête de me demander, tu as beaucoup parlé quand je suis venue. Et en plus, quand je suis venue au boulevard Saint-Michel en face de Saint-Louis, il y avait des petits arbres en bas et je me suis dit, mais comment je vais vivre sans des arbres? Et on m'a dit, mais ils vont pousser les platanes. Et moi, je ne croyais pas. Et j'avais 30 ans. Alors, qu'est-ce qui reste? Parce que je suis chimiste, pas de tous les arbres. Et maintenant, les arbres sont plus grands que ma fenêtre au troisième étage. Donc, il faut comprendre que les enfants aujourd'hui sont formés dans le mouvement. Je suis totalement d'accord avec toi, car que ça ne peut pas. Et aussi, il faut le désir. Quand un jeune n'a pas le désir, ou un vieux, ou un qui est entre deux âges n'a pas le désir, tu ne peux pas avec une mitraillette le faire. Je ne sais toujours pas me servir de six, voilà. Oui, attends, je te donnerai le micro tout à l'heure. Moi, je pense que l'ordinateur réhabilite le désir. C'est-à-dire, l'ordinateur, c'est un point connu qui est en interconnexion avec des milliers de liens. Il y a des milliers de liens d'un ordinateur au cosmos et à la société. Donc, pour moi, c'est comme un vélo. Quand vous avez à faire du vélo, vous avez une liberté supplémentaire. Quand vous avez un ordinateur, vous avez la liberté de voyager sur la planète et de vous interconnecter. Donc c'est vrai que les premières démarches sont pas génératrices de désir obligatoirement, mais je vois par expérience personnelle qu'il y a des gens qui s'accrochent par l'ordinateur. Didier, excuse-moi, tu t'es découpé un gâteau, mais quand tu dis l'ordinateur, il fait ce que... Didier, tu dis que l'ordinateur, il fait ce pourquoi il est fait. Prends l'ordinateur sur la place de la République, c'est faux. L'ordinateur a permis de diffuser des vidéos. Sans ordinateur, on ne peut pas le faire. Donc, cet endroit est devenu un point de rencontre aussi pratique. Et l'ordinateur, il est à la fois dans le concept et dans la pratique sur la place de la République. Il a inventé sa place. Il a pas fait ce pour quoi il était éduqué, parce qu'il a jamais été éduqué pour la place de la République, l'ordinateur. Mais par contre, il a inventé sa place ici. Et il a inventé une forme de communication qui n'existe pas ailleurs. D'ailleurs, Boris, si tu m'écoutes, je continue. Alors d'autre part, il y a de la communication de Nuit Debout. Alan m'a appris il y a deux jours qu'il laissait tomber son site et donc comme communication de il y a que le site officiel et il y a les pages Facebook, mais les pages Facebook elles fonctionnent pas comme les sites, et donc moi ça me pose un gros problème parce que je considère que le Media Center c'est une cellule de censure qui s'organise. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Alors, donc maintenant en fait on va passer au reste, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Bon, 20 minutes, on va laisser jusqu'à 30. Donc il reste encore 20 minutes pour l'atelier. Donc l'autre thème maintenant, on souhaite parler, donc c'est utiliser, développer des jeux et... expérience ou je sais pas quoi. D'accord. Donc je redis ma phrase. Donc c'est utiliser, développer des jeux et expérimenter leurs limites par rapport au monde réel. Donc il y a quoi à dire. Attends, deux secondes. Bah, je répète. Bon, je répète pour toi. Donc c'est utiliser, développer des jeux et expérimenter, je vais y arriver, limites par rapport au monde réel. Bah, on va essayer de remettre le pendule à l'heure parce que je pense que on est parti trop loin. Moi, tout ce que je pense, c'est que j'ai remarqué que comme on est tous ensemble là, il y en a toujours un gentil, il y a toujours un méchant. Ça, j'ai remarqué. Ça, c'est quelque chose. Comme on dit, il y a toujours un gentil, un méchant, et c'est comme ça. La vie, on va dire que la vie, elle est comme ça. Il y a toujours une partie des gens qui sont plus forts que d'autres, comme on dit, comme à la jungle. Comme on dit, comme la loi de la jungle, c'est comme ça. Et puis, la ville est comme ça. Il y a toujours un gentil, un méchant. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que quelqu'un a des idées à développer sur ce que j'ai dit? Donc, c'était sur les jeux, le jeu et l'expérimentation qu'on pouvait en faire de manière concrète. Et ben, aujourd'hui, ouais. Donc c'est ça, en tout cas, développer des jeux, voir leur application. Bah, développer des jeux, c'est ce qu'on a... Ah, est-ce que c'est ça le gaming? Non, je crois pas que ce soit le gaming. Non, c'est les serious games. Voilà, serious game, gaming. Donc, quel que soit le sujet, même très chiant, philosophique, tout ce que tu veux, enfin pour un certain bien, on peut le faire en jeu. Et donc, expérimenter quelle que soit la connaissance, donc l'apprentissage voilà, quel que soit l'apprentissage, on peut le faire sous forme de jeu. Et ça a plein d'intérêts et plein d'applications concrètes et justement, formation au niveau numérique. Aux États-Unis, beaucoup plus que chez nous, en tout cas, on apprend à coder. Donc on apprend à coder, donc à créer des petites applications, des petits jeux, des choses simples, mais pour mieux ça. Donc les serious games, ça permet de comprendre l'histoire de France en jouant ou j'en sais rien. Donc c'est des choses que c'est des outils qu'on peut nous-mêmes développer. Par exemple sur la citoyenneté, sur l'éducation sous forme de jeu. Je vais renforcer un petit peu ce que tu as dit parce que moi ça m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose que j'ai étudié à la fac. Et du coup en fait je voulais juste commencer par un truc, c'est le principe de gamification dont le découle. Donc le principe de gamification c'est un principe alors utilisé en marketing, désolé pour le terme odieux, il y a depuis quelques années où en gros c'est transposer les codes du jeu et du jeu vidéo, principalement du jeu, sachant que le jeu vidéo découle du jeu classique, dans des activités, on va dire, sérieuses. Donc ça marche pour effectivement l'apprentissage. En exemple concret, je ne sais pas si vous connaissez tous Duolingo, qui est une application d'apprentissage mobile. Non, ça ne dit rien à personne. C'est une application qui utilise les codes de la gamification, c'est-à-dire que c'est un principe de récompense, de badge, de lingots, d'expérience, avec des points d'expérience. Et en fait, ça permet de voir, d'avoir en fait concrètement une progression. Et effectivement, donc de ce principe de gamification, on a eu le principe de serious gaming dont tu parlais. Où là ça va être présentendre, expliquer des choses qui ne sont pas du ressort du jeu ou de l'entertainment, mais sous une forme de jeu. Alors ça peut prendre de multiples faces, on va dire. L'une d'elles étant via le jeu en flash, qui est assez pratique, assez facile à développer d'après ce que je sais. Et pareil en termes d'exemple, on a un jeu qui s'appelle Darfur is Dying, je crois, ou quelque chose comme ça, qui présente ce qui se passe au Darfour et surtout qui vous met dans la peau d'un petit garçon ou d'une petite fille qui doit aller chercher de l'eau au puits à côté du village. Le but du jeu étant de revenir au village sans se faire accessoirement. On va dire sans se faire enlever, sans se faire violer, sans se faire tuer. Et donc l'intérêt du coup du jeu pour l'apprentissage ou l'expérimentation, c'est que on va s'identifier beaucoup plus facilement. Je vous invite à jouer d'ailleurs à ce jeu, ne serait-ce que quelques minutes, pour voir cette dimension d'appropriation du personnage et du coup de ce qu'il peut ressentir et de ce qui se passe là-bas. Voilà. Voilà en gros ce que je voulais dire sur la gamification. Je peux lui enrouler autour du cou. Je crois que tout le monde sait déjà à peu près que je suis légèrement contre tout ce qui est jeu informatique, etc. C'est-à-dire que c'est ou c'est un jeu solitaire, c'est-à-dire un gamin, mais c'est toujours des compétitions. C'est-à-dire même s'il y a deux ou trois ou des milliers comme c'est sur certains jeux sur Internet où il y a des gens qui peuvent jouer sur toute la planète, mais c'est toujours les uns contre les autres, c'est toujours des jeux de compétition, c'est toujours citation. Et c'est tout le contraire de ce qui pour moi est le fondamentalement humain, c'est le jeu pour le plaisir de jouer, où il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition, c'est simplement pendant que tu joues tu es heureux, le monde n'existe plus et après tu as envie d'être bien avec tout le monde, tu as envie d'être content, etc. Et ça avec l'informatique ça ne pourra jamais exister. Le jeu, c'est l'incertitude, l'incertitude est ça. Et aujourd'hui, le jeu est entré dans le domaine militaire avec et la simulation scientifique. Par la théorie du social, mais par exemple l'armée américaine Si vous m'écoutez pas, vous allez parler ailleurs. Excusez-moi, je vais m'énerver, moi. Vous avez le droit, la place est grande. Si vous êtes là, c'est pour écouter ou pour parler. Faites des apartés, ça fout toute l'ambiance en l'air. Donc, l'armée américaine a un studio multimédia où il y a une image qui est interconnectée. Et ça ressemble aux manipulations vidéo, aux jeux vidéo, mais c'est une situation c'est un espace qui simule du plus près possible des situations réelles. C'est-à-dire que si vous avez un tir, vous êtes dans un décor, si vous êtes pas bien placé, vous êtes sous le feu d'un tireur qui vous descend. Bon, ça c'est si vous voulez, ça c'est à l'application à la guerre, mais maintenant il faut savoir que les ordinateurs gouvernent les contrats d'entreprise, les implantations d'entreprise, les marchés en simulant, c'est-à-dire ils jouent à ça avec des logiciels. Donc le jeu, il est entré dans des domaines où il n'y a pas que le domaine de distraction pour les enfants, il y a les adultes qui jouent à la guerre maintenant aussi. Je veux juste rajouter un truc en parlant de jeu, tout ça. Moi, je pense, je me rappelle quand moi, j'étais encore jeune à l'époque, ça n'existait pas Internet, tout ça, ça n'existait pas, quoi. Et puis, on jouait avec les copains. Et puis, on partait avec les copains, on allait jouer à... Je sais pas, on allait se baigner. En tout cas, on arrivait à passer notre journée juste avec le jeu. Hein? Sans internet, sans tout ça. Donc, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'étais sur une autre planète. Peut-être, on va dire que je suis sur une autre planète. Mais je pense qu'on est heureux quand on est naturel. Voilà. Quand on est naturel, on arrive à trouver des occupations. On joue et comme je disais, hein, il y a toujours un gentil et un méchant, hein. Il y a un copain qui va te taper sur la tête, il y a un copain qui va te voler tes chaussures, il y en a un autre qui va te faire une bêtise, tout ça. Mais tout ça, ça fait partie des petits trucs, qu'est-ce qu'on va rencontrer plus tard dans la vie. Parce qu'au début, c'est un jeu, mais une fois qu'on commence à grandir, on commence à rentrer dans la vie, et on trouve ça que c'est vrai. On trouve que les gens, ils sont vraiment méchants. Les gens, ils sont vraiment méchants. Jamais tu vas rencontrer quelqu'un, c'est rare. Franchement, c'est rare, tu rencontres quelqu'un qui sera d'accord, qui va aller dans ton sens. C'est impossible. Franchement, il faut que tu trouves quelqu'un très très gentil pour qu'il aille dans ton sens. Parce que la plupart des gens, quand on dit, c'est la vie, hein. Il y en a toujours un qui va te casser la tête, il va te faire ceci, il va te faire cela. Ouais, bon, moi, c'est la vie, c'est comme ça. Hop. Donc, ouais, vas-y. Alors, du coup, je vais essayer de revenir sur les deux quelques interventions précédentes. D'abord, alors, je suis désolé. Mais donc je vais essayer de pas mettre trop m'étaler sur le jeu vidéo, surtout que je suis censé un jour faire une intervention sur le jeu vidéo au sens large, donc je vais essayer de pas trop m'étaler dessus. Mais le jeu, hein ? Bah j'espère bien qu'il viendra. le jeu au sens large du terme et encore plus le jeu vidéo, c'est pas forcément se battre contre quelqu'un ou être contre quelqu'un, que ce soit en joueur solo ou en multi. Il y a un gros principe de coopération de plus en plus. Après, évidemment, ça dépend des jeux, mais il y a un gros principe de coopération. Donc, c'est pas forcément juste se foutre sur la gueule avec le voisin. Et maintenant, de l'autre côté, tu disais que on se sert du jeu pour des applications pratiques, adultes, jouer à la finance, ce genre de choses. Effectivement, mais disons que le jeu vidéo, ce qu'il est, c'est-à-dire que techniquement, en fait, ce qu'on appelle le médium vidéoludique, et il reste ça, c'est-à-dire un médium, un moyen. C'est juste un moyen et la question c'est comment est-ce qu'il est utilisé, par qui, dans quelles circonstances, etc. Il peut être utilisé à bon escient, il peut être utilisé à mauvais escient. Je parlais de gamification et de serious gaming tout à l'heure. On va avoir, par exemple, je ne sais plus quelle marque de vêtements ou quelle grande marque avait créé un jeu pour... donc là, on est clairement dans de la, de la publicité où on va faire interagir le public visé au sein du jeu. Donc ça, c'est plus ou moins condamnable en fonction de ce que l'on pense. Maintenant, on peut se servir, comme avec donc Darfur is Dying, on peut se servir des codes du jeu pour apprendre des choses en étant immergé complètement dans le médium vidéoludique. Ça me faisait penser à un truc, de Serious Game, donc évidemment relativement réaliste, ou en tout cas qui touche au réel. Donc pour la question du Darfur par exemple, mais des serious games comme ça, il y en a plein. Il y en a un qui démontre par exemple le fonctionnement interne, que je vous invite à jouer aussi, c'est assez sympathique. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, sur ce jeu-là, vous ne pourrez pas gagner. Disons très très rapidement, en gros c'est un petit jeu flash, hein, également sur 4 tableaux, où vous avez où vous avez vos vaches, votre blé pour donc le pain et la viande, une partie où vous avez le fourrage et la transformation des vaches, donc l'abattage des vaches et la transformation en viande, et évidemment le McDonald's donc pour la vente, et quartier général, siège social pour la partie marketing, etc. Et dans chacune de ces dans chacun de ces tableaux, vous avez on va dire un bon moyen de faire la chose et un mauvais moyen de faire la chose. Moyen éthique, on va dire, et comment McDo le fait. Donc par exemple, sur l'élevage et les cultures, ça va être la destruction de la forêt amazonienne, ça va être filer un petit pot de vin au dictateur du coin pour ça va être foutre des OGM dans le blé, ça va être balancer des antibiotiques dans les vaches, etc. Attends, je termine. Ce genre de choses. Pour le fourrage et l'abattage, ça va être abattre des vaches qui sont malades, ça va être mettre des produits chimiques dans le vent, ce genre de choses. Pour la partie vente, ça va être traiter les employés comme de la merde et les virer d'une seconde à l'autre, etc. Et pour le marketing, ça va être soudoyer des experts, etc., etc. Donc c'est juste pour vous dire que à ce jeu, c'est pas possible. J'ai essayé des dizaines de fois, ce n'est pas possible. À chaque fois, au bout d'un moment, vous perdez, quoi. C'est vous vous retrouvez en solde complètement négatif. Là en l'occurrence, en fait, c'est un exemple d'un jeu qui démontre comment fonctionne McDo et à quel point McDonald's, ce genre de choses en tout cas, est une institution jusqu'au bout, jusqu'à la moelle. Et du coup, par contre, je ne sais plus ce que je voulais dire au départ. Mais bon, oui. Je disais, alors effectivement, il y a beaucoup de coopération et du coup, ça peut faire aussi social, hein, concrètement, être à plusieurs, à jouer à quelque chose, ou simplement rapprocher les peuples, parce que on peut jouer, aujourd'hui, par exemple, on peut jouer aux échecs sur un outil informatique avec, moi je peux être dans mon salon et jouer aux échecs avec un Russe qui se trouve en Russie pour la partie coopération. Et sur ce que je disais, donc sur le fait de se sentir plus proche d'un personnage. Quand on joue un serious game, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti en jouant à Darfur is Dying, c'est un peu voir un film au cinéma où je regarde un film et qu'à la fin, genre un film d'horreur ou un film un peu trash, et qu'à la fin je vois tiré d'une histoire vraie. Tout le monde connaît Massacre à la tronçonneuse par exemple. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais le mec a existé. C'est une histoire vraie. Et oui, je suis désolé, c'est une histoire vraie. Il y a vraiment un mec qui s'est amusé à massacrer des gens à la tronçonneuse. Ça, disons que quelque part, ça mène peut-être à réfléchir, on va dire, sur ce qu'on vient de voir, et donc sur le personnage avec qui on s'est attaché, que si vous regardez une simple fiction qui n'a plus ou moins ni queue ni sens, ni queue ni tête. Voilà. En fait, on va un peu finir là. Parce que... voilà, on va finir l'atelier déjà à l'heure. On va commencer à faire le reste. Donc j'invite le reste, c'est Sylvain, viens. C'est ton heure, c'est pour toi, viens. Allez, bouge tes fesses, ramène-toi. donc là... Ah, faut que tu changes ta clé. Vas-y.